Chapitre 18e, un peu du passé. Paulin Broker regagna la salle des armures. Il alla, comme l'autre jour, s'assurer que toutes les portes étaient bien fermées, et il revint auprès du général. « Maintenant, général, contez-moi en détail la scène de cette nuit. » Le général s'empressa de le satisfaire. Il lui raconta, sans omettre aucun incident, sans atténuer son rôle à lui, ce qui s'était passé dans sa chambre. « Bon, » fit Paulin Broquet, « comme il est probable que cette scène se renouvellera incessamment et souvent, je tiens à assister à la prochaine. » Paulin Broquet se garda bien d'apprendre au général qu'il connaissait le passage qui servait au prince Grigoriski pour venir chez lui sans que personne se doutât du chemin qu'il prenait. Le général, impatient, furieux, aurait voulu probablement se venger, faire cesser cette comédie. Il aurait fait boucher le passage, mis un piège ou commis une autre faute qui n'eût pas empêché le prince Grigoriski de venir, mais l'eût simplement obligé à trouver un autre moyen d'accès, qu'il aurait fallu chercher et encore découvrir. Mais Paulin Broquet en fut pour ses frais de déguisement. Zigomar, encore une fois, fut plus malin que lui et déjoua ses ruses. En effet, Paulin Broquet ne voulut pas perdre de temps à chercher où conduisait la porte secrète du kiosque. Il serait fastidieux, se dit-il, de courir dans tous les souterrains et toutes les barbotières de Zigomar. Cependant, comme il aimait ne rien laisser à l'aventure, qu'il ne voulait rien négliger dans une affaire, il étudia la disposition de l'hôtel du général Sobarov et de la maison voisine. Il calcula que la porte secrète du kiosque devait communiquer, sans nécessité de couloir, de passage, mais tout simplement par une percée dans le mur mitoyen avec les écuries de l'hôtel voisin. Alors il chercha dans les archives de la police concernant les maisons de Paris. Car de même que tout individu qui est attiré sur lui d'une façon quelconque l'attention du public est doté d'une fiche, d'un dossier, précieusement conservé à la préfecture de police, de même les immeubles, les cours, les maisons de Paris qui furent le théâtre d'une scène sensationnelle ont leur histoire consignée, répertoriée. Paulin Broquet put donc aisément, dans ses archives, retrouver non seulement l'histoire de l'hôtel du général Sobarov et celle de la maison voisine, mais le plan très détaillé, très précis, de ces deux immeubles. Ce kiosque, en effet, avait été autrefois, sous le règne de Louis XVIII, le théâtre d'un drame qui, à l'époque, causa grand émoi. Le propriétaire de l'hôtel, qui aujourd'hui appartenait au général Sobarov, était alors le marquis de Servilly. Le marquis avait suivi le roi pendant l'émigration, était rentré avec lui. Il était son ami, son confident, son conseiller. Il se déclarait ouvertement l'ennemi mortel de tout ce qui touchait à la Révolution et surtout à l'Empire. Le marquis, déjà d'un certain âge, avait une femme de beaucoup plus jeune que lui, charmante, dont l'esprit, plus ouvert que le sien, admettait que la France pouvait compter des jours glorieux sans que le roi fût obligatoire à son destin. Elle eut l'audace de prétendre que non seulement Balmy, Gemap, Arcole, Rivoli avaient eu lieu, mais que la France pouvait en être fière, ainsi que de Wagram, d'Austerlitz, tout autant que des journées de Fribourg et de Rocroi. Le marquis ne lui pardonna jamais cela, et lui rendit la vie extrêmement pénible. Il était d'une arrogance, d'une suffisance, d'un égoïsme poussé au dernier degré. Et il se déclarait, lui, marquis de Servilly, avec le roi son ami, d'une essence supérieure au genre humain. Mais la supériorité de cette essence ne mettait pas le marquis en dehors des infortunes qui attendent tout mari ne sachant pas rendre heureuse sa femme. La marquise trouva la consolation à sa vie monotone, triste, austère, dans la personne d'un officier ayant suivi sur les champs de bataille l'étoile de celui que le marquis désignait du bout des dents avec mépris, en secouant de petites pitchenettes le tabac d'Espagne tombé sur son jabot. « Ce monsieur Buonaparte !» Cet officier qui, sous la conduite de M. Buonaparte, avait reçu force blessures pour la France, végétait maintenant, ayant pour vivre sa maigre demi-solde. Ayant perdu son empereur, il avait pour soleil la beauté de la marquise dont la tristesse s'alliait à ses regrets. Or, un domestique, chassé brutalement par le marquis, crut bon, pour se venger, de lui révéler son infortune maritale et de se moquer hautement de lui. Ce valet stupide ne pouvait se douter du résultat de son infâme et lâche vengeance. L'officier pauvre logeait dans une des dépendances de l'hôtel voisin de celui du superbe marquis. par cette porte, que la marquise et lui connaissaient, ils se retrouvaient dans le kiosque. Un jour, le marquis les surprit. Il tenait en chaque main un pistolet d'arçon. Il tira sur le groupe et atteignit l'officier. Cependant, avant qu'il eût pu faire feu sur la marquise, l'officier avait bondi sur lui. La lutte fut courte. Dans ces dernières minutes, l'officier mit tout ce qui lui restait de force. Il étrangla le superbe marquis et envoya son âme, sans doute aussi des sens supérieurs, dans l'autre monde. Quand on accourut, on trouva à terre, dans le kiosque, la marquise évanouie. Quand elle se réveilla, elle était folle. Et un peu plus loin, le corps du marquis, trépassé comme un simple mortel, étranglé. L'autre, l'officier, avait disparu. On ne sut jamais comment, par où. Ou plutôt, pour l'honneur de la famille de Servilly, la justice royale ne livra point le secret de la porte dérobée. Et quand on enterra le pauvre officier, ce fut mis, comme pour bien d'autres, sur le compte d'un duel de demi-solde, et tout fut dit. Paulin relut cette triste histoire dans les notes concernant l'hôtel Sobarov. Il retrouva également le plan des deux maisons, la marque de la porte secrète. « Bon, fit-il, mais pour pouvoir se servir de cette issue, il faut que de l'autre côté quelqu'un favorise les démarches du prince. » Il donna mission à l'amorce de s'enquérir de cela. L'amorce ne fut pas long à apprendre que l'hôtel voisin était occupé par le comte de Morillier, authentique et parfait gentilhomme. Le comte de Morillier, homme de sport, amateur de chevaux, était en bonne relation avec le prince Grigoriski, pour qui il professait la plus vive amitié. Et il avait l'habitude de loger chez lui un cheval appartenant au prince. Le prince venait d'acquérir cet animal et voulait le surveiller quelques jours à Paris, avant de l'expédier dans ses domaines en Pologne. Or, le prince, ne possédant pas d'écurie à Paris, où il n'habitait qu'un pied-à-terre, avait demandé à son ami de Morillier de donner l'hospitalité pour quelques jours à sa bête. Naturellement, le prince, avec l'animal, introduisit un homme à lui, qui en était chargé, et allait ensuite conduire le cheval en Pologne. Paulin Broquet, à présent, savait tout ce qui l'intéressait. Le jeu du prince lui était connu comme s'il l'avait lui-même à régler. Il devait maintenant voir quels moyens il employait. Pénétrant chez le général, pour frapper ainsi l'imagination et porter de si grands coups sur le cerveau, quelque peu affaibli, de ce malheureux homme. À la nuit, il se rendit chez le général. « Je viens veiller chez vous. Vous allez agir comme vous en avez l'habitude et ne pas vous occuper de moi. » Le général se coucha donc, laissa son plafonnier allumé, comme la veille, et ayant bu plus de vodka que de coutume, accablé par la nuit précédente pleine de transe, par l'inquiétude de la journée, par l'anxiété continuelle, il ne tarda pas à ronfler comme un tuyau d'orgue de cathédrale. Comme la veille, il fut brusquement arraché à son sommeil. Paulin Broquet se trouvait dans la chambre du général, caché derrière une tenture. Il avait prévu ce réveil et était persuadé que la comédie de la veille se renouvellerait. Il était logique, en effet, que le prince, ayant ébranlé fortement l'âme du général, donnait un nouveau coup pour la conquérir tout à fait. Paulin Broquet avait mal compris les explications que le général, encore affolé, n'avait pas su lui donner. Il voulait voir par lui-même, et pendant que le général dormait, il entra dans la chambre et se tint à l'affût. Il n'attendit d'ailleurs pas longtemps. Tout à coup, le plafonnier s'éteignit. Paulin Broquet entendit une porte s'ouvrir et le plancher de la chambre craquer. Puis le général, fortement secoué, tiré à moitié de son lit, se réveilla et se dressa sur son séant. À ce moment, le plafonnier se ralluma. La chambre à coucher fut inondée de clarté. Le général, réveillé en sursaut, ouvrit comme la veille ses yeux éblouis. Plus que la veille, il semblait affolé, redoutant maintenant un spectacle, des apparitions de fantômes comme ceux de la veille. À ce moment, le malheureux ne se souvenait plus de la promesse de Paulin Broquet de veiller sur la maison. S'en serait-il souvenu qu'il aurait cru cette veille absolument inutile, jugeant les fantômes plus forts que toute intervention humaine. Puis, brusquement, le plafonnier de nouveau s'éteignit. Le général, plongé dans la nuit qui lui paraissait maintenant plus profonde, commençait à trembler de tous ses membres, redoutant de voir, dans cette nuit, apparaître les fantômes. Puis le plafonnier s'illumina encore. Le général respira, ses craintes s'atténuaient. et une dernière fois le plafonnier, après quelques minutes d'éclairage, s'éteignit, jetant davantage le trouble dans l'âme surexcitée du général. Paulin Broquet assistait tranquillement à tout cela. Il comprenait la raison de ce jeu de lumière et d'ombre, fait pour éblouir, pour brouiller les yeux du général, pour le mieux disposer à ce qui allait suivre. Il attendait donc lui aussi la suite. Bientôt le point lumineux parut sur le mur de la chambre. Ce point, comme la veille, grandit et forma un immense clair dans la nuit. Plus le disque grandissait, plus l'émotion du général croissait. « Non, non !» répétait-il, tendant les mains comme pour chasser l'horrible vision. « Non, par pitié, par pitié !» Sans que ses prières eussent produit, tout à coup, dans le disque lumineux parut une silhouette de femme. La femme était jolie, élégante. Elle portait un costume de deuil, dont le voile était relevé. Dès qu'elle apparut, le général se précipita à genoux, véritablement affolé, répétant « Johanna, Johanna, pitié, pardon !» Paulin Broquet eut pu parfaitement voir cette image projetée sur la muraille. Il souriait depuis que le point lumineux grandissait sur le mur. Il l'avait immédiatement compris ce qui allait se passer. Et vraiment, il fallait que l'esprit du général fût bien absorbé par le souvenir du passé. Que la crainte de cette Johanna adorée fût puissante chez lui. Pour qu'il n'eût pas une seconde l'idée de mieux regarder ce qui apparaissait ainsi sur le mur de sa chambre. Vraiment, chez ce soudard, la peur des fantômes arrivait à un degré extrême, inexprimable. Pour qu'il n'eût pas le courage de se lever, d'aller voir de près la nature de cette apparition, pour qu'il n'osât pas rechercher comment elle pouvait se produire, pour qu'enfin il ne reconnût pas tout de suite l'enfantine et grossière supercherie. Dans son coin, Paulin Broquet souriait, se disant « Allons, ils ont eu la bonne idée d'agrémenter la soirée d'une séance de cinématographe. » Pendant ce temps, le général, à genoux, les mains tendues vers l'image qui apparaissait sur le mur, répétait « Johanna, pardon !» Paulin Broquet regardait lui aussi cette femme jolie, en long voile de deuil, qui tendait vers le général une main menaçante. Et dans cette femme, dans celle que le général appelait Johanna, il reconnut la femme aux cheveux teints, la femme rousse.